إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. On continue la lecture, la traduction du tafsir de Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. Lors du dernier cours, on avait continué l'exégèse de Sourat Qaf. Et on s'était arrêté à l'explication du verset numéro 35. Donc on continue aujourd'hui, inshallah ta'ala, l'explication de Sourat Qaf à partir du verset 36 jusqu'à la fin. قال تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Donc Allah عز وجل dit selon le sens dans les versets 36 et 37 de Sourat Qaf: combien avons-nous fait périr avant eux de générations bien plus fortes qu'eux? Ils avaient parcouru les contrées cherchant vainement où fuir. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur prête l'oreille tout en étant témoin. Qala Cheikh Sa'di rahimahullah. يقول تعالى مخوفا للمشركين المكذبين للرسول: وكم أهلكنا قبلهم من قرن أي أمما كثيرة هم أشد من هؤلاء بطشا أي قوة وآثارا في الأرض. ولهذا قال: فنقبوا في البلاد أي بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة وغرسوا الأشجار وأجروا الأنهار وزرعوا وعمروا ودمروا. فلما كذبوا رسل الله وجحدوا آيات الله أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. فهل من محيص أي لا مفر لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذ. فلم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا أولادهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أي قلب عظيم حي ذكي زكي. فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها وانتفع فارتفع. وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله واستمعها استماعا يسترشد به وقلبه شهيد أي حاضر، فهذا له أيضا ذكرى وموعظة وشفاء وهدى. وأما المعرض فلم يلقي سمعه إلى الآيات، فهذا لا تفيده شيئا لأنه لا قبول عنده، ولا تقتضي حكمة الله هداية من هذا وصفه ونعته. Donc il dit subhanahu wa ta'ala, donc Cheikh Sa'di rahimahullah dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit pour faire peur et pour effrayer les polythéistes, ceux qui ont traité de mensonge et de menteur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla leur dit, selon le sens, combien avons-nous fait périr avant eux de générations bien plus fortes qu'eux. C'est-à-dire, combien de peuples en grand nombre qui étaient bien plus forts que vous, les polythéistes de la Mecque, qui avaient plus de force et avaient bien plus d'impact sur terre que vous. Ces peuples qui vous ont précédé ont construit des forteresses, ils ont construit des grandes demeures, ils ont planté des arbres, ils ont fait couler des rivières, ils ont cultivé. Mais parce qu'ils ont traité de menteurs les envoyés d'Allah et parce qu'ils ont renié les signes d'Allah, Allah Azzawajal les a fait châtier d'un châtiment douloureux et extrêmement dur. Fahal min mahis, cherchant ou fuir. Lorsque ces peuples, qu'Allah Azzawajal a qualifiés de forts, de plus forts que les polythéistes de la Mecque, lorsque Allah Azzawajal les a châtiés et a fait abattre sur eux son châtiment douloureux Azzawajal, ils cherchaient, ces peuples cherchaient où fuir. Or, il n'y a nul endroit où fuir lorsque le châtiment d'Allah Azzawajal descend. Et il n'y a personne pour secourir lorsque le châtiment d'Allah Azzawajal s'abat sur eux. Ainsi, leur force ne leur a été d'aucune utilité. Les biens en abondance qu'ils avaient, ainsi que les enfants, ne leur ont été d'aucune utilité face au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, c'est-à-dire pour quiconque a un cœur vivant, un cœur intelligent, un cœur pur. C'est ce cœur qui, lorsque des signes d'Allah Azzawajal lui parviennent, cela le fait rappeler, cela lui est profitable. De la même façon, celui qui écoute et qui prête oreille aux signes d'Allah et écoute les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le but d'être guidé, tout en étant témoin, c'est-à-dire tout en ayant un cœur présent. Cette personne également, le rappel lui est profitable. Donc le rappel est profitable à deux personnes, à celui qui a un cœur vivant, un cœur pur, un cœur intelligent, qui profite donc des signes d'Allah, et celui également qui prête oreille aux signes d'Allah, tout en étant concentré, tout en ayant un cœur présent et profitant donc de ses rappels, et cela est pour lui une guérison et une guidée. Quant à celui qui se détourne, du message d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne prête pas oreille aux signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette personne ne peut pas tirer de profit des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sagesse d'Allah azzawajal fait en sorte qu'Allah azzawajal ne guide pas celui qui est caractérisé ainsi. Qu'Allah azzawajal ne guide pas celui qui n'a pas un cœur saint, celui qui ne prête pas oreille en recherchant la vérité, celui qui se détourne, celui qui s'entête. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne le guide pas et fait en sorte qu'il plonge et qu'il sombre dans son égarement. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans l'autre verset, فَلَمَّا زَارُوا أَزَارَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Et lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. Il dit عز وجل selon le sens dans les versets 38 à 40 de sourate Qaf: en effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours, sans éprouver la moindre lassitude. Endure donc, c'est-à-dire ô Muhammad, ce qu'ils disent, et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher, et célèbre sa gloire une partie de la nuit. Et à la suite des prosternations. قال الشيخ السعدي رحمه الله وهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمة ومشيئته النافذة التي أوجد بها أعظم المخلوقات السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا إعياء فالذي أوجدها على كبرها وعظمتها قادر على إحياء الموتى من باب أولى وأحرى فاصبر على ما يقولون من الذم لك والتكذيب بما جئت به واشتغل عنهم بطاعة ربك وتسبيحه أول النهار وآخره وفي أوقات الليل وأدبار الصلوات فإن ذكر الله تعالى مسل للنفس مؤنس لها مهون للصبر. Donc il dit, rahimahullah, en expliquant ces versets 38 à 40, qu'Allah Azza wa Jal nous informe de son immense capacité, subhanahu wa ta'ala, et du fait que sa volonté, subhanahu wa ta'ala, est mise en pratique. Et de par son immense capacité, Azza wa Jal, il a créé d'immenses créatures, les cieux et la terre et ce qu'elles contiennent en six jours. Le premier jour était le dimanche et le dernier jour de la création des cieux et de la terre était le vendredi. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a éprouvé aucune fatigue, aucune lassitude. Et celui qui a créé de par leur immensité les cieux et la terre est capable également de créer, de faire revivre les morts et encore plus capable et de surcroît à la capacité de faire revivre les morts. Puis Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Fasbir ala ma yaqouloun » Endure donc ce qu'ils disent. C'est-à-dire, patiente, ô Muhammad, face aux reproches et face au fait que l'on te traite de menteur et que l'on traite de mensonge, ce avec quoi tu es venu. Et occupe-toi à adorer ton Seigneur et à proclamer sa pureté, au début de la journée comme à la fin de la journée. De même que tu dois t'occuper à adorer ton Seigneur et à lui obéir pendant les heures de la nuit et après chaque prière obligatoire. Car le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'évocation d'Allah azza wa jal réconforte l'âme et allège et permet de mieux patienter face aux épreuves. ثم قال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Puis Allah Azza wa Jal dit, dans les versets 41 à 45 de sourate Qaf sont le sens. Et sois à l'écoute le jour où le crieur criera d'un endroit proche, le jour où ils entendront en toute vérité le cri, voilà le jour de la résurrection. C'est nous qui donnons la vie et donnons la mort, et vers nous sera la destination. Le jour où la terre se fendra, les rejetant précipitamment, ce sera un rassemblement facile pour nous. Nous savons mieux ce qu'ils disent. Nous savons mieux ce qu'ils disent. Tu n'as pas pour mission, c'est-à-dire, ô Muhammad, d'exercer sur eux une contrainte. Rappelle donc par le Coran celui qui craint ma menace. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي واستمع بقلبك نداء المنادي وهو إسرافيل عليه السلام حين ينفخ في الصور من مكان قريب من الخلق يوم يسمعون الصيحة أي كل الخلائق يسمعون تلك الصيحة المزعجة المهولة بالحق الذي لا شك فيه ولا امتراء ذلك يوم الخروج من القبور الذي انفرد به القادر على كل شيء ولهذا قال إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم أي عن الأموات سراعا أي يسرعون لإجابة الداعي لهم إلى موقف القيامة ذلك حشر علينا يسير أي هين على الله يسير لا تعب فيه ولا كلفة نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون لك مما يحزنك من الأذى وإذا كنا أعلم بك فقد علمت كيف اعتناؤنا بك وتيسيرنا لأمورك ونصرنا لك على أعدائك فليفرح قلبك ولتطمئن نفسك ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف من نفسك فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسي بأولي العزم من رسل الله وما أنت عليهم بجبار أي مسلط عليهم إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ولهذا قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والتذكير هو تذكير ما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير وإيثاره وفعله ومن بغض الشر ومجانبته وإنما يتذكر بالتذكير من يخاف وعيد الله وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به فهذا فائدة تذكيره إقامة الحجة عليه لئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير آخر تفسير سورة قاف والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا Il dit rahimahullah, c'est-à-dire écoute par ton cœur l'appel du crieur qui est Israfil alayhi salam lorsqu'il soufflera dans la trompe d'un endroit proche des créatures yawma yasma'una as-sayha le jour où ils entendront en toute vérité le cri c'est-à-dire que toutes les créatures entendront ce cri effrayant en toute vérité c'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute sur cela. Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que ce cri aura lieu. ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ Voilà le jour de la résurrection. Voilà le jour de la résurrection où les gens sortiront de leur tombe. Et ceci... Le fait que les gens sortent de leur tombe et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en a le seul pouvoir. Allah azza wa jal est le seul qui est capable de faire sortir les morts de leur tombe. C'est pour cela qu'il dit subhanahu wa ta'ala par la suite « Inna nahnu nuhyi wa numit wa ilayna al-masir » C'est nous qui donnons la vie et qui donnons la mort. Et vers nous sera la destination. Le jour où la terre se fendra, c'est-à-dire le jour où la terre se fendra et que les morts sortiront précipitamment, sera précipitamment, c'est-à-dire qu'ils se précipiteront à répondre à l'appel de l'appeleur qui leur demandera de se présenter pour le jugement. ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ Ce sera un rassemblement facile pour nous. C'est-à-dire que c'est une chose simple et aisée pour Allah Azza wa Jal de rassembler l'ensemble des créatures. Et Allah Azza wa Jal n'éprouve dans cela aucune fatigue et ne déploie pour cela aucun effort, et cela ne demande aucun effort de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, ce rassemblement rassemblera qui ? L'ensemble des créatures, depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains. De même que dans ce rassemblement, il y aura du premier au dernier des djinns. Et les animaux également, Allah Azza wa Jal jugera entre eux. Et Allah Azza wa Jal jugera l'animal doté de cornes qui a fait du tort à l'animal qui n'a pas de cornes. Donc, l'ensemble de ces créatures seront réunies dans un seul et même endroit qui est Ardul Mahshar, la terre du rassemblement. Et ce rassemblement, malgré son immensité, eh bien, est une chose simple et aisée pour Allah Azza wa Jal. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Nous savons mieux ce qu'ils disent, c'est-à-dire ce qu'ils te disent, ô Muhammad. Nous savons parfaitement ce que les polythéistes disent comme parole qui t'attriste, comme parole mauvaise. Nous sommes plus savants que toi de leurs paroles. En sachant que nous savons mieux que toi ce que les polythéistes disent à ton encontre, eh bien, tu sais comment nous prenons soin de toi et comment nous facilitons tes situations et comment nous te donnons victoire face à tes ennemis. Que ton cœur donc se réjouisse et que ton âme s'apaise et sache que nous sommes plus miséricordieux envers toi que tu ne l'es envers toi-même. Il ne te reste donc qu'à attendre que la promesse d'Allah Azza wa Jal vienne. Et Allah Azza wa Jal dit ces paroles à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sait mieux ce qu'ils disent pour réconforter son prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour qu'il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait qu'Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de ce que les polythéistes disent et de ce avec quoi ils traitent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cela réconforte le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc Cheikh Saadi dit, il ne te reste donc plus qu'à attendre la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et de prendre comme exemple l'élite des prophètes et envoyés d'Allah, alayhimus salam, qui eux aussi ont subi les désagréments de leur peuple. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux une contrainte. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux, sur les polythéistes, une contrainte de les obliger coûte que coûte, à t'obéir et à croire en toi. Innama anta munzir wa likulli qawmin had. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat al-Ra'd, tu n'es qu'un avertisseur et à chaque peuple un guide. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite, fadhakkir bil Qur'an man yakhaf wa'id. Rappelle donc par le Qur'an celui qui craint ma menace. Rappelle, c'est-à-dire rappelle ce qui est connu comme étant bien, comme étant des choses bonnes, et c'est-à-dire en les faisant et en les accomplissant, et rappelle ce qui est mauvais pour qu'il soit délaissé. Et Allah Azza wa Jal dit, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Et rappelle par le Coran celui qui craint ma menace. Car qui profite du rappel? Celui qui craint la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à celui qui ne croit pas en la menace d'Allah, quant à celui qui ne craint pas la menace d'Allah Azza wa Jal, eh bien, il n'y a pas de bénéfice à lui faire de rappel. Mais le fait de rappeler une personne ainsi, qui ne croit pas en Allah, qui ne croit pas en la menace d'Allah, eh bien ce rappel ne lui profitera pas, et il sera au contraire une preuve contre lui. C'est pour ça que le prophète sallam dit « Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk » que le Qur'an est une preuve pour toi ou contre toi. Il n'y a pas d'autre alternative. Soit le Qur'an t'est profitable et tu en tires profit, et tu t'améliores et tu te réformes, ou soit alors le Qur'an sera une preuve contre toi. Donc celui qui ne craint pas Allah et ne croit pas en sa menace, il n'y a pas de bénéfice, il ne tirera pas de bénéfice de ce rappel, et ce rappel sera pour lui une preuve, sera une preuve contre lui, afin que cette personne ne dise pas le jour du jugement, aucun avertisseur ou annonciateur nous est venu. Ma ja'ana min bashirin wa la nadhir. Et ainsi se termine le tafsir de Sourate Qaf, et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala.